je sais que plus jamais, mauvais garçon, ne m'éteindra. Mais moi je reste, dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Faut que j'arrête, on m'a dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Europe 2. Europe 2. Pop Radio. Devrait ressembler à ça, c'est vrai, hein, franchement. Tout le monde a le sourire, tout le monde est content, du soleil partout pour tout le monde. Oh, c'est la vie, ça. Et puis de la bonne musique. Voilà la recette d'un lundi réussi. Britney Spears, classique pop Europe 2, juste derrière Tiesto qui remixe I Follow Rivers sur Europe 2 Pop Radio. You're my river. Europe 2 Pop Radio. Europe 2 Pop Radio. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so stupid, baby. Oh, I did it again. With your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. De la pop est sur Europe 2. What's up guys, it's Benson Boone on Europe 2. Salut, c'est Kavinsky. Bonjour, c'est Angèle. Hey, I'm Lola Young. Lola Young. Vous écoutez Europe 2. Pop Radio. Allô Lola, c'est encore moi. J'ai beaucoup pensé à toi, Lola. Allô Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de hola Lola, hola. Allô Lola, oui c'est bien moi. Je n'ai pas

Vous allez vous régaler avec tout ça. Ed Sheeran arrive, Dua Lipa aussi, et puis Gracie Abrams, qu'on adore sur Europe 2 Pop Radio. That's so true. Europe 2 Pop Radio. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once. Twice on, no, I know I'm all gone. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Ooh, bet you think it's she is so cool. Kicking back on your couch, me and ice cream. Radio. Europe 2, Pop Radio. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh, yanga. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Then I start to feel a bum bum one. But she did give me small, small. I know, say she start to pass it down one one. Mm-hmm. Cause she feeling insecure, cause her friends go they come a light chain go up, go they come a light chain go up. I say make a rest, my war. Ask me, I wake up, now she did my mind, don't walk. Then one day, two, one of you folk of us. Now show me, I go long. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, un lundi après-midi, comme vous les aimez sur Europe 2, 30 minutes pop non-stop, Dua Lipa arrive et Ed Sheeran aussi. Et là, pour le coup, ça tombe très très bien. Europe 2, Pop Radio, oh oui, vous offre Ed Sheeran en concert. Hi, it's Ed Sheeran. Ça pouvait pas me tomber en fait. Hein. Ed Sheeran en concert, bon, faut le voir. Vraiment, ça fait partie des concerts à faire dans sa vie. Clairement, voilà, Ed Sheeran sur scène, il est génial. Ed Sheeran, là, il prépare un nouvel album. Faudra patienter parce que c'est prévu pour l'automne 2025. Donc, pour patienter, le voir en live, c'est parfait. Et Europe 2 est sur le coup, bien évidemment. On n'est pas du genre à passer à côté. Toute la semaine sur Europe 2, on vous offre Ed Sheeran en concert à Lille, à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Croyez-moi, ça va être une belle fête. Hein. Ed Sheeran sur scène, c'est toujours incroyable. Alors bien sûr, on vous gère aussi le transport, on vous gère la chambre d'hôtel sur place. Donc dès que vous entendez Ed Sheeran sur Europe 2, vous vous inscrivez par SMS, vous tapez Ed, ED, Ed au 7-12-13. Vos artistes pop préférés sont tous sur Europe 2, Pop Radio. Et vraiment, je veux dire que sur Europe 2, c'est quand même bien foutu parce que Ed Sheeran, ben, figurez-vous qu'il arrive juste derrière le duo Dua Lipa Pierre Demar. Voici This Wall sur Europe 2, Pop Radio. Maybe we should switch careers, cause baby you don't know I'll be top poker faces. And when the night ends up in tears, wake up and we blame it all on being wasted.

come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Castaldi réveille la France sur Europe 2. Avec Benjamin Castaldi, Fabien et Marie. De retour demain, 6h, 10h, sur Europe 2, Pop Radio. Pop Radio. Bah vous voyez que ça passe vite le lundi, déjà 15h, heure d'été hein, bien sûr. Bienvenue sur Europe 2, 30 minutes pop non-stop qui s'enchaîne avec Marine de la Starac, avec Nicki Minaj et puis Teddy Swims. On écoute Bad Dream sur Europe 2, Pop Radio. Pop Radio. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two I'm shit. On the floor. Can't stand it on the floor, floor. Like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. the hoop, I own that. And I ain't paying my rent this month, I owe that. But fuck who you want and fuck who you like. Dance all life, there's no end in sight. Twinkle, twinkle, little star. Now everybody let me hear you say, right, right, right. Cause spend all your money cause today pay day. And if you a G, you a G, G, G. My name is Anika, you can call me DK. Get on the floor. Tu m'as dit c'est ta faute. Bonjour, c'est Marine. Vous écoutez Europe 2 Pop Radio. Ton verre est plein. Est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, seul sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots. Mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. C'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. La nuit est calme, sans le son de ta voix. Si tu la hausses, ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes. Celle qui reste après tout le vacarme. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. C'était bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. Tu vois, je t'aime malgré tout ça. Oh, et maintenant je sais que c'est pas moi. Pourtant je suis tombée si bas. Avec toi je m'aimais. Tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine. Tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime. Ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine. Tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime. Ça c'était bien ma faute. Ma que je pensais si forte. Mais l'inverse est passé quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent. Ce sera plus jamais ma faute. 30 minutes pop non-stop sur Europe 2 et des bonnes nouvelles. Alors par exemple, la sortie d'un nouvel album pour Miley Cyrus, c'est elle qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le 30 mai prochain, ça va vite arriver, hein, la superstar nous présentera Something Beautiful. Alors un album qui devrait comporter 13 chansons et c'est un projet qu'elle nous décrit comme hypnotisant et glamour. Voilà, une ambiance assez rock hein, d'après les indiscrétions et les rumeurs qui circulent dans le milieu. Et en plus, l'album devrait être accompagné d'un film opéra pop, visiblement une expérience unique, une expérience visuelle. Vous avez le teaser sur europe2.fr à voir quand vous voulez. Franchement, on a hâte de découvrir tout ça. Rendez-vous le 30 mai. En attendant, Miley Cyrus, la voici avec Flowers sur Europe 2 Pop Radio. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered cry, but then remembered Radio. damn time. I should really try to calm my mind and see things from your side. Or maybe you can cry, cry. Go ahead and ruin someone else's life. Cry, cry. Go find somebody else so I can sleep at night. Go ahead and ruin someone else's life. Go ahead and ruin someone else's. Europe 2. Europe 2. Pop. Pop Radio. Europe 2. Pop Radio. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue. Got me thinking about. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. There's something about it right here. Got me seeing so clear.